petits garçons qui jouent avec le feu finissent toujours par se brûler les extrémités. Tu t'échauffes, tu m'allumes, t'es pas mûr si je faisais mes cris sur un cœur si pur. Ce serait vraiment pas mature. Tu dégages tant d'hormones, de partout ça déborde, même tes yeux sont de la testostérone. Mais t'es pas encore un homme. On pourrait danser mon bébé si ça te fait craquer, seulement si maman te permet. On peut discuter mon chéri, vibrer un peu aussi, seulement si maman te permet. Facile mollo, facile mollo, doucement mon garçon, j'aurai des regrets si maman permet. Facile mollo, facile mollo, j'ai quelques glaces.